À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'Université Gimelson, la cérémonie de remise de la lettre historique du maréchal Kim Jong-un, adressée au personnel enseignant et administratif et aux étudiants de l'université, de la tâche principale de l'Université Gimelson à la nouvelle époque de la révolution du Tse, a eu lieu le 29 septembre. Y ont pris part Cha Tae-bok et autres cadres intéressés, ainsi que le personnel enseignant et administratif et les étudiants de l'université. La lettre a été transmise par Cha Tae-bok, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée.